Loguet ce soir, c'est un soir très allègre. Nous sommes fiers d'être noirs, quelle fierté d'être nègre. Nous les enfants d'Osiris, nous sommes nés sous le soleil. Nous les descendants d'Iris, vivons sous le bleu du ciel. Nous vous invitons chez nous, contrée pleine de délices. Des yeux sous sein de velours vous réserve des caresses. Belle bronzée à l'huile de palme, après un bain de rivière, vous offriront tout le charme d'une douce nuit dans une chaumière. Nous vous invitons chez nous, contrée pleine de délices. Des yeux sous sein de velours vous réserve des caresses. Belle bronzée à l'huile de palme, après un bain de rivière, offrirons tout le charme d'une douce nuit dans une chaumière. Au tam-tam rythmé des nègres d'Afrique, de ceux d'Amérique, des nègres des îles, de ceux du Brésil, au marimba, de ceux du Zaïre, de la Côte d'Ivoire, de ceux du Congo et de Porto Rico. Vous apprendrez à danser la salsa, à danser le ska, à danser begin, à danser soukous, à danser reggae et le makossa. Et au tam-tam des moins qu'à doubler, de ceux des zoulous, de ceux des bantous, de ceux des mandingues. Nous allons chanter du peuple sahara, du peuple pygmé, rythme des tropiques, au chant du soleil. Vous apprendrez à danser la salsa, à danser le ska, à danser begin, à danser soukous, à danser reggae et le makossa. À danser reggae et le makossa. à danser la salsa, à danser le ska, à danser Biggie, à danser Soukous, à danser reggae et le Makossa. Angola vai me comer da baixa. Catuca marimba ali que seu berito não eu tenho. L'argent est rouble dollar et il y en a à le pouvoir qui en manque un que de voir. L'argent est Foreman. Olingwe kokibeta ya katoliba na Les différences pour Nagasa Nessa.